Hasta la muerte unie, ma fille a tracé mon crew, mon ethnie. Je représente muni d'un chrome ou d'un chromie. Ni la thune, ni le succès, ni les commis. Rien ne peut semer la discorde entre moi et mes homies. Les loujas comme les fuck veulent me fuck. Mais mon crew est uni et solide comme le rock. L'union fait la force, on amorce notre ascension. Les loujas gazent si ça se corse. Y'aura de l'action d'être unis pour instaurer notre hégémonie. Mes frères et mes rouillages, des rouillas à coups de couteau, de tarpé. Dans les réçois, ça sent le shit et le roussi. Enfouraillé, mes frères le sont même quand ils dansent le bikuti. Des sims comme les Hutus et les Tutsis. Moi, garde du genre, une go ou par jalousie. Pour instaurer notre hégémonie, on express comme le pony. Sphère un max de money. Moi et mes homies, on roule ensemble et on s'allie à la black mafia. Mafia tressée, on croit ainsi que les autres mafias. Faut qu'elles s'unissent, qu'on soit soudés, qu'on avance côte à côté, qu'on serre les coudées. C'est certain, on ira loin. Et toi, nous, à la Cosa Nostra, faut que les guerriers cessent. Toi aussi, sois membre de l'organisation des mafias unis. Sois membre de l'organisation des mafias unis. Sois membre de l'organisation des mafias unis. Sois membre de Cosa Nostra. Ils disent main dans la main, mais l'autre sur la croche du Glock. Because ceux qui ça lui souhaitent souvent que tu votes. Je suis de la race la plus haïe du monde, ça fout les jetons. J'ai le monde entier, plus les frères qui veulent que je tombe. Le but c'est succès, ensemble. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de Lexus pour tous, vu qu'on se bouffe. Une seule couronne pour 10 négus, tous négo. Si leur mort jusqu'au dernier gusset, je tors. Je rêve d'entraide entre nous contre ceux qui me traitent de bamboula, Zulu. Full camp, black mafia, mafia tressée sur un morceau. La rime organisée, la mort fait baliser, les faux nous égaliser. Mais t'es fou, faut serrer les coudes pour bouffer au fou qu'elle stopper les fast food. Enlève cette Cosa Nostra, donne le choix à attendre ta mort ou être membre de l'organisation des mafias. Sois membre de l'organisation des mafias. Sois membre de l'organisation des mafias. Sois membre de Cosa Nostra. Que Dieu me pardonne, si je m'entamponne des bonnes paroles que donne Jean-Paul aux quatre coins du globe. Capiché, fâché tel le tché, lassé de voir mon peuple lâcher prise, courber les chines, vivre, mourir, fauché. Mon entreprise, rassembler les bambinos chez nous, comme Lucky Luciano, l'Alpacino du 13, Puccino oxyanique, combinaison unique, les païens paniques. Don Gio, donne dans les yeux, dans le dos, mon crew fait pas de cadeaux, des desperados. On vise le top du billboard, les faux frères jubilent d'abord, faufile, puis te coupe le talon d'Achille. Un, trop de bidon en ville, préfère te nuire plutôt que te voir sortir du bidonville sans eux. Je vais gaffe à qui je recrute dans ma familia, mais fuir mais jamais sectaire, même des familiers. Puisqu'ils ont l'ONU, dans mon OMU, l'organisation des mafias unis, tu sais c'est connu. L'union fait la force, j'amorce le move avant que notre sort, ce corps soit dans nos mouvetés. J'amorce le move avec Wanel. Tous unis pour mieux avancer. L'erreur, tous les refrains. Peace to time, boom, Dallas et mafia tressée. L'organisation des mafias. Sois membre de l'organisation des mafias. Une membre de l'organisation des mafias. Sois membre de pour vous ressourcer et voir un peu ce que c'est que la vie.